الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc notre cours maintenant au sujet de As-Sira Nabawiya. Au dernier cours, on a expliqué ce qui avait rapport avec la bataille de Badr. On a parlé qu'est-ce qui a rapport avec la bataille de Badr. Et aujourd'hui, on va continuer avec qu'est-ce qui s'est passé après la bataille de Badr, après la défaite des mouchriquins. Avant de mentionner les détails de ça, on va commencer à mentionner plutôt quelques détails qu'on avait peut-être mentionnés, mais sur lesquels on veut revenir par rapport à la bataille de Badr. Cheikh Al-Hafiz ibn Kathir, il dit faslun iddatu ahli Badr. Combien de gens étaient présents dans la bataille de Badr parmi les musulmans et parmi les non-musulmans? Bon, on avait parlé de ça. Il dit wa jumlatu man hadara badran min al-muslimina 300 wa bid'atu 'ashara rajulan. Donc, parmi ceux qui ont participé à la bataille de Badr, parmi les musulmans, il y avait donc environ 310 et quelques hommes. Parmi les muhajirines et les ansars. On dit que les muhajirines, ils étaient 86 rajulan. C'est-à-dire 86 hommes. Tandis que Al-Ansar, ils étaient un peu plus. Il dit parmi Al-Aws, il y avait 61. Yani, min Al-Aws, Ahadun wa Ahad wa Sittuna Rajulan, wa min Al-Khazraj, Mi'a wa Sab'una Rajulan. Donc, 61 parmi la tribu de Aws et 170 parmi la tribu de Al-Khazraj. Et Al-Aws ou Al-Khazraj, c'est les deux tribus de Médine, qui habitaient à Médine. Et c'est eux qu'on appelle les Ansar. Donc il y avait 86 parmi les Muhajirin, ceux qui avaient émigré de la Mecque. 66 parmi les gens de Aws et 170 parmi les gens de la tribu d'Al-Khazraj. Bien entendu, ça c'est pas tout le nombre des musulmans qui étaient à Médine, mais étant donné, comme on avait expliqué, que la bataille de Badr n'avait pas été préparée, parce que on n'avait pas planifié que ce soit un combat, hein, on était à la base, l'intention c'était de prendre une caravane de commerce, une caravane de commerce. Et non pas d'affronter une armée. Donc, le nombre n'est pas représentatif du nombre des musulmans à ce moment-là. Et on sait que, donc, ils étaient environ 310 et quelques. Il dit, « Innama qalla adadu rijal al-aws an adad al-khazraj wa in kana ashad minhum wa asbar inda al-liqa li'anna manazilahum kanat inda fi awali al-madina. » فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج ولقرب منازلهم. Donc on dit que ici la raison pour laquelle il y avait plus de gens de Al-Khazraj que de Al-Aws, c'est parce que leur maison était plus proche de l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés pour partir avec eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'avais expliqué, il n'avait pas pris des gens à l'avance pour se préparer pour partir avec lui. Il est parti avec ceux qui étaient présents à ce moment-là. Et ceux qui étaient présents à ce moment-là, c'était plus des gens de Al-Khazraj. puisque leur maison était plus proche, tandis que les autres, leur maison était plus loin, et donc ils n'ont pas pu apprendre la nouvelle de cette expédition. Il dit وَقَدْ اِخْتُلِفَ أَوْ اِخْتَلَفَ أَئِمَّةُ الْمَغَازِي فِي وَالسِّيَرْ فِي أَهْلِ بَدْرِ فِي عِدَّتِهِمْ وَفِي تَسْمِيَتِهِمْ يعني في تسمية بعضهم اختلافا كثيرا وقد ذكرهم الزهري وموسى ابن عقبة ومحمد ابن إسحاق ابن يسار ومحمد ابن عمر الواقدي وسعيد ابن يحيى الأموي في مغازيه والبخاري وهيه واحد من المتقدمين وقد سردهم كما ذكرتهم أو كما ذكرتهم أو قد سردهم كما ذكرتهم يعني ذكر أسماءهم في السيرة النبوية ابن حزم في كتاب السيرة له وزعم أن ثمانية منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم وذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد من أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000 وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة بن سراقة وقتل من المشركين 70 وقيل أقل وأسر منهم مثل ذلك أيضا وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في الشوال. Donc il explique ensuite que les ulama de Al-Maghazi, ils ont divergé au sujet du nombre et des noms des personnes par rapport à la bataille de Badr, et certains d'entre les ulama ont mentionné les noms de certains, ils ont énuméré les noms de certains, et parmi eux, ceux qui ont été mentionnés, on en a mentionné nous aussi au dernier cours, Uthman, Talha, Saïd ibn Zayd, on a mentionné certains d'entre eux, les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas présents. En ce qui concerne les mouchrikoun, eux, ils étaient entre 1000, entre 900 et 1000. Et on a expliqué également que parmi les musulmans, il y a eu yani 14 hommes qui ont été tués parmi les sahaba. 6 parmi les muhajirin, 6 parmi les gens de la tribu de Al-Khazraj et 2 parmi les gens de la tribu de Aws. Tandis que les mushrikoun, parmi eux, il y en a 70 qui ont été tués. Et d'autres ont été, il y en a 70 autres qui ont été pris prisonniers. On dit que le premier qui a été tué parmi les musulmans, c'est Mihja, le servant de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et on a dit également que d'autres ont dit que c'était un homme parmi les Ansar qui s'appelait Haritha ibn Suraqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de régler toutes les questions qui sont reliées à Badr et aux prisonniers de Badr pendant le mois de Shawwal, parce que la bataille de Badr a eu lieu pendant le Ramadan. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Non, donc les mushrikines ont eu une défaite ce jour-là. Et on a dit qu'il y a beaucoup d'entre les mouchriquins, parmi les têtes des mouchriquins qui ont été tués ce jour-là, on a parlé des prisonniers aussi. Naam. Et on a parlé de ces choses-là. Donc, en ce qui concerne la bataille de Badr, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Awwal Eid Fitr fil Islam. Donc, c'était aussi Awwal Eid Fitr yamurru ala al-muslimin wa huwa al-Eid alladhi waqa'a fi awwal Shawwal min as-sanah ath-thaniyah lil-Hijra ba'da an akramahum Allah bin-nasr wal-fath al-mubin fi ghazwati Badr. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في أول شوال. عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. Donc le premier jour de عيد que les musulmans ont célébré c'était dans cette année-là, la deuxième année de la Hijra, après le mois de Shawwal, le premier du mois de Shawwal, après la victoire de la bataille de Badr. C'était dans la deuxième année. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc avait donné la victoire aux musulmans et, dans la bataille de Badr, et il a prié par la suite, le premier de Shawwal, la prière de Eid avec eux. Et c'est rapporté selon Anas radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, il a dit vous avez deux jours dans lesquels les gens avaient deux jours dans lesquels ils s'amusaient puis ils fêtaient dans la jahiliya, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Allah vous a remplacé ces deux jours par deux jours meilleurs que ceux-là, Yawm al-Fitr et Yawm al-Nahr, le jour de Eid al-Fitr et Eid al-Adha, le jour du sacrifice. Ghazwatu Bani Salim wa Ghatfan al-Kadr bil Kadr. Lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min Badr aqama biha sab'a layalin thumma kharaja bi nafsihi yuridu Bani Salim wa dhalika fi Shawwal min as-sanah ath-thaniyah lil-Hijra. Fa balagha sallallahu alayhi wa sallam ma'a من مياههم من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا وكان سبب خروجه صلى الله عليه وسلم ما بلغه أن بهذا المكان جمعا من بني سليم وغطفان يخططون لحرب المسلمين. Donc ça c'est une des choses qui s'est produite après la bataille de Badr, c'est l'expédition de Bani Salim et Ghatfan, un endroit qu'on appelle Kedr ou bien Kadr. Donc à cet endroit-là, c'est Al-Qudr, pardon, Al-Qudr. Et c'est ça, Al-Qudr. Donc dans cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Badr, il est resté pendant 7 nuits à Badr. Puis il est parti lui-même vers Bani Salim. C'était pendant le mois de Shawwal de la deuxième année de la Hijra. Il est arrivé donc vers les puits à l'endroit de cette région-là, hein, Al-Qudr. En tout cas, il est arrivé là-bas, il est resté 3 nuits. Puis il est retourné à Médine et il n'y a pas eu de bataille. Et la raison pour laquelle il était parti à cet endroit-là, c'est parce qu'il avait appris que il planifiait une bataille. Les gens de Bani Salim et de Ghatfan, ils planifiaient contre les musulmans pour les attaquer. Une autre chose qui s'est produite aussi, une autre chose qui a rapport avec cette période, l'obligation de la zakat. Az-zakat, ibadatun ma'rufa. Na'am. فقد ذكرها الله في القرآن حينما تحدث عن الأنبياء السابقين كما قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. والزكاة في الإسلام مرت بمرحلتين، الأولى في العهد المكي فقد ورد ذكر الزكاة والصدقة بصفتها تشريعا عاما وإحسانا من الإنسان لغيره دون أن ترد نصوص تبين فرضيتها وتحديد ما تجب فيه ومن يجب أن تدفع له، كما قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والثانية في العهد المدني، وقد نزل فرض الزكاة في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، وصار الحديث عنها بصفتها ركنا من أركان الإسلام كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وبين القرآن والسنة الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة الواجبة ومقادير النصاب ومن تصرف له، كما قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Donc en ce qui concerne l'obligation de la zakat, eh bien c'était wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien c'était quelque chose qui avait été ordonné et mentionné dans les livres précédents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, que les prophètes précédents ont été ordonnés d'établir la salat et de donner la zakat, comme le verset 73 dans Surat Al-Anbiya qui le mentionne. Et la zakat dans l'islam, elle est passée par deux étapes. La première étape, c'est à la période de la Mecque, hein, à la Mecque, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné aux musulmans de donner en sadaqa. Et c'était uniquement d'une description générale et la législation générale du fait de donner en aumône et en charité pour aider les gens et pour donner aux autres. Sans qu'il y ait de détails sur la description de combien on doit donner et à qui on doit donner, et sans qu'il y ait d'obligation non plus, hein? Comme le verset 20 dans Surat Al-Muzammil, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit établissez la salat et donnez la zakat et faites à Allah un prêt, hein, un bon prêt. Et yani ça c'est l'exemple de l'introduction du principe de yani de l'aumône et de la charité de façon générale. Et la deuxième période, ou la deuxième étape par rapport à la zakat, c'est la période à Médine, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de payer la zakat. Ça, c'était dans le mois de Shawwal, dans la deuxième année de la Hijra. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'on a commencé à parler de la zakat en tant que pilier parmi les piliers de l'islam. Et que c'est devenu une obligation et un devoir pour les riches de la Ummah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à ce sujet-là dans le verset 11, dans Surat At-Tawbah, établissez la salat, et s'ils se repentent, établissent la salat et donnent la zakat, alors ils seront vos frères en religion. Donc ça, c'est un exemple de l'obligation de la salat, puis Allah subhanahu wa ta'ala, de la zakat, pardon, et il a expliqué dans le Coran et dans la Sunnah, l'obligation donc de la zakat et la quantité qui doit être donnée obligatoirement et la limite à partir de laquelle il devient obligatoire de donner qu'est-ce qu'on appelle en arabe an-nisab, hein, le minimum à partir duquel la zakat devient obligatoire, et à qui la zakat doit être offerte ou donnée, dans le verset 60 dans sourate At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que la zakat, ici c'est désigné par le terme sadaqat, eh bien c'est pour les pauvres, les gens qui en ont besoin, parmi les gens qui travaillent pour la ramasser aussi, ceux dont on veut rapprocher les cœurs, ceux qui sont esclaves et qui veulent racheter leur liberté, ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui sont voyageurs, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, ceux qui sont voyageurs. Donc ça, c'est les 6 catégories de personnes à qui Allah a ordonné de donner la zakat. Et dans le verset 103 aussi, dans sourate At-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et prend de leur bien une sadaqa, hein, une aumône, c'est-à-dire la zakat, pour les purifier, hein, qui les purifie et les nettoie. Et faites des invocations pour eux, car ton invocation est une source de quiétude pour eux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les choses qui se sont produites également à cette période, c'est également le mariage de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avec sa cousine, Fatima. Ou bien c'est la fille de son cousin, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha. Il dit, tazawwaja Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu min Fatima bint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fi s-sanati l-oula min al-hijra wa bana biha fi s-sanati l-thaniya min al-hijra fi shahri shawwal ba'da waqa'ati badr. Donc en fait, le mariage avait eu lieu auparavant, déjà dans la première année de la Hijra. Ali radiallahu anhu, il a épousé Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est dans la deuxième année qu'il a habité avec elle, hein, qu'il a commencé à habiter avec elle. C'était dans le mois de Shawwal, après la bataille de Badr. Il mentionne, et c'est mentionné ça dans les hadiths authentiques, an Ali radiallahu anhu. ابن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإدخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي متفق عليه وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي رضي الله عنه ثمان عشرة سنة وعمر علي رضي الله عنه يعني 25 سنة وولدت فاطمة رضي الله عنها لابن عمها علي ابن أبي طالب من الذكور الحسن والحسين ومحسن ومن الإناث أم كلثوم وزينب. نعم. Donc il mentionne donc la narration de Al-Bukhari et Muslim qui rapporte le fait que Ali radiallahu anhu, il avait obtenu une part du butin de la bataille de Badr et il l'a vendu sa part pour pouvoir justement se payer une fête de mariage, hein, pour le mariage lorsque il voulait commencer donc sa maison avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiallahu anha. Et lorsqu'il s'est marié avec Fatima, elle avait 18 ans, radiallahu anha, et lui, il avait 23 ans. Il avait 18 ans et lui, il avait 23 ans. Et les enfants, wa alaykoum salam wa rahmatullah, les enfants que Ali radiallahu anhu a eu avec Fatima sont les suivants. Il a eu trois garçons, Al-Hassan ou Al-Hussein et Muhsin, et il a eu deux filles avec elle, Umm Kulthum et Zainab. Ça, c'est les deux filles de Ali et Fatima. Umm Kulthum, c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui l'a épousé par la suite. Il s'est marié avec elle. Et mais par contre, ce ne sont pas les seuls enfants de Ali radiallahu anhu, parce que même si durant la vie de Fatima, Ali radiallahu anhu n'a pas eu d'autres femmes, mais après la mort de Fatima radiallahu anha, il a épousé plusieurs femmes par la suite, et avec ces femmes-là, il a eu des enfants. Il a eu aussi plusieurs esclaves aussi. Donc il a eu beaucoup d'enfants avec d'autres femmes que Fatima radiallahu anha. Naam, donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.